Le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des études jetées a publié le 21 courant une déclaration conjointe en faveur des réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée en date du 19 juillet et l'entretien du porte-parole de la représentation de Panmunjom de l'armée populaire de Corée du 20 juillet.